9h-9h30, les experts sur France Bleu Auxerre. Notre expert Info Énergie est là pour faire le point sur toutes les aides qui sont à votre disposition en France. Elles sont nouvelles, elles sont nombreuses pour rénover votre logement et faire ainsi des économies d'énergie. Et à la sortie de cet hiver, les factures un peu lourdes que vous avez dû assumer doivent vous donner envie de rénover un petit peu votre logement. Il va nous éclairer, pardon du jeu de mots, en matière d'économie d'énergie ce matin. Et pour vous éclairer et répondre à vos questions, c'est le 03 86 52 23 23. Posez toutes vos questions au 03 86 52 23 23. Adrien Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, faire des économies d'énergie, on en a tous envie. Alléger nos factures aussi. Mais la petite question avant, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent, on se dit, oui, mais qu'est-ce que ça va changer si nous, en tant qu'habitants lambda de ce logement-là, qu'est-ce que ça va changer sur l'impact de l'environnement très vite ? Alors, effectivement, on a toujours une pensée première pour la facture. Combien elle coûte. Et effectivement, lorsque les personnes font des travaux de rénovation énergétique, il ne faut pas oublier l'impact sur l'aspect environnemental au sens large. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on va contacter, conseiller les particuliers, on met aussi en avant, après la rénovation, le bénéfice sur l'environnement. Le bénéfice sur l'environnement, c'est une diminution de la consommation d'énergie. Donc, c'est moins de ressources qu'on va prendre au niveau de la nature et de la terre. Et derrière, ça aura aussi un impact à chaque étape de la transformation de l'énergie, de l'extraction de mon énergie jusqu'à cette consommation. Il y a des étapes de transformation, de distribution. Et donc, c'est à chacune de ces étapes qu'on va faire des économies. La France n'est pas trop mauvaise élève en la matière ? Non, la France n'est pas trop mauvaise élève. Après, elle est la problématique pour le particulier, il faut vraiment se concentrer sur le ménage, c'est que malheureusement, le prix des énergies augmente rapidement et beaucoup plus vite que l'augmentation de nos salaires. Donc à un moment donné, il y a des points de blocage. On parle de plus en plus de précarité énergétique. Donc ce sont des ménages qui ne peuvent plus chauffer leur logement ou qui ne peuvent plus payer leur facture d'énergie. Donc l'idée, c'est de faire des travaux d'économie d'énergie pour diminuer cette facture énergétique, mais aussi avoir des impacts moins faciles à calculer, notamment sur le ressenti, le confort. En rénovant un logement, on va améliorer son confort. Alors justement, quels que soient nos revenus, on a tous quand même envie d'avoir un chauffage. On va parler sur tout ça, c'est ça les impacts de facture les plus importants. Un chauffage très performant et le plus économique. Alors vous, sur un plan pratique, quel est le chauffage le plus performant et le plus économique ? Alors justement, c'est la question de nos consultants et généralement on leur répond, si vous consommez beaucoup d'énergie, ce n'est pas à cause du chauffage, c'est aussi du fait de l'enveloppe de votre habitation. Moins le logement est isolé, plus on va consommer de fuel, de gaz, de bois, d'électricité. Donc avant de se dire quel est le système de chauffage le plus performant, il faut se poser la question de pourquoi je consomme beaucoup d'énergie. C'est un peu l'image de la baignoire percée. Si j'ai une baignoire percée, je ne vais pas changer de fournisseur d'eau. Je vais déjà calfeutrer toutes les fuites. C'est la même chose avec une habitation. Calfeutrons toutes nos fuites avant de se dire quel est le système de chauffage le plus performant. Et on voit que la priorité numéro une, c'est l'isolation de nos habitations. Mais tout ça a un coût, souvent quand même assez conséquent. On ignore souvent qu'il existe quand même pas mal d'aides. Elles sont là, elles sont nombreuses. Oui, effectivement. Alors, il y a eu plusieurs études au niveau national qui ont montré que les coûts d'une rénovation très performante avaient un coût en moyenne de 30 000 euros. Alors, bien sûr, toutes les habitations ne vont pas mettre 30 000 euros sur la table parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites dans le passé, mais c'est une moyenne qui est intéressante de relever. Effectivement, on est dans un contexte où il n'y a jamais eu autant d'aides financières pour le particulier. Alors, pour être assez clair, pour une famille qui doit assumer 30 000 euros de travaux pour rénover son logement, combien sur cette somme-là, quelle partie va pouvoir être couverte par les aides ? Alors, le maximum des cas où on est conforme à tous les critères techniques et de ressources, on peut aller jusqu'à 80% d'aide financière sur les 30 000 euros, oui. Oui, parce que, alors c'est bien sûr en combinant tous les dispositifs, les familles ne peuvent pas les combiner. Les aides. Effectivement, puisque l'État a lancé en septembre 2013 un programme qui s'appelle le programme de rénovation énergétique de l'habitat, où il y a eu énormément de budgets qui ont été fléchés sur la rénovation énergétique. On retrouve l'ANAH en tête de pont, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui fait qu'un ménage éligible sur deux dans Lyon est éligible. Et les aides peuvent aller jusqu'à 50% sur 20 000 euros de travaux. Donc, alors c'est ça, un exemple. On va y revenir parce qu'effectivement, dans Lyon, il y a de beaux, très beaux efforts qui sont faits et on peut vraiment accéder à des aides intéressantes. D'abord, d'un point de vue général, on a droit à... En 2014, il y a pas mal de lois là, qui sont sorties sur la France. Le crédit d'impôt, par exemple. Le crédit d'impôt prime énergie. Oui, oui, oui, il y a effectivement un crédit d'impôt au développement durable qui existe. C'est une aide qui touche même les ménages qui ne payent pas d'impôt, donc c'est intéressant de le souligner. Donc si je ne paye pas d'impôt et que je peux avoir 1 000 euros d'impôt, enfin de crédit d'impôt, le Trésor public me rembourse soit la différence, soit la totalité. C'est-à-dire que je ne paye pas d'impôt, mais si j'entreprends des travaux, on me remboursera une partie de travaux, donc cet argent, je le toucherai. Oui, exactement. Voilà. Le Trésor public vous fera un chèque. L'idée, c'est que lorsqu'on a un projet de rénovation, il faut le réfléchir en termes de cohérence technique. Une fois qu'on valide la technique, c'est-à-dire non pas quelle est l'aide la plus importante par rapport à telle typologie de travaux, c'est qu'est-ce qui serait les travaux les plus pertinents chez moi. Ensuite, il faut contacter des entreprises. Donc, là aussi, c'est un enjeu. Qui contacter comme entreprise? Qu'est-ce que je vais lui demander lorsque je vais contacter un artisan? Qu'est-ce qu'il doit m'indiquer sur un devis? Et ensuite, comment je fais pour boucler mon financement? Parce qu'il y a des aides, il y a du crédit d'impôt. Donc là, on vient d'en parler. Il y a l'éco-prêt aussi à taux zéro qui est prolongé jusqu'en décembre 2015. Tout à fait. Donc l'éco-prêt à taux zéro qui est un formidable financement qui permet de boucler et de faire notamment les avances de trésorerie. Donc c'est un prêt à taux zéro qui touche la notion de rénovation énergétique. Donc derrière, à chaque fois, c'est la notion de bouquet de travaux. Une seule amélioration, concrètement, il n'y a pas d'aide. Si je fais plusieurs améliorations, là, il peut y avoir des financements. Donc, bouquet de travaux, ça va être isolation de la toiture et par exemple la mise en place d'une chaudière bois. Ces aides de l'État, on peut les cumuler. À qui s'adresse-t-on pour pouvoir en bénéficier? Alors, l'ADIL a été choisi par le préfet pour être membre du réseau Rénovation Info Service. Donc, on est guichet unique sur le département de Lyon. Et dans notre organisme, notre association, on centralise toutes les aides financières qui existent. Donc, on est en capacité L'ADIL, rappelez ce que ça signifie. Donc, l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, on est en capacité d'informer chaque consultant, chaque ménage sur ses possibilités en termes techniques et aides financières. Et en fonction des aides financières qui peuvent être mobilisées, on peut renvoyer la personne vers le bon interlocuteur, le bon dossier à compléter. La TVA aussi, c'est un avantage, est passée à 5% pour les travaux de rénovation. Oui, c'est alors c'est 5,5%, puisque donc il y a trois taux désormais, 5,5%, 10%, 20%. Et pour les travaux de rénovation énergétique sur des critères techniques crédit d'impôt, parce que derrière, changer une fenêtre, il n'y aura pas de taux de TVA à 5,5%. Mais si on met une bonne fenêtre ou un bon isolant, là, effectivement, il y a un taux de TVA de 5,5%. Donc, il y a une liste des travaux qui sont touchés par la TVA de 5,5%. Et une nouveauté hyper intéressante, c'est que les travaux induits sont aussi sur une TVA de 5,5%. C'est-à-dire que avant, les aides financières touchaient que l'isolant. La grosse rénovation, et par exemple, changer son chauffage, l'équipement de chauffage, ce n'était pas compris dedans, alors que maintenant, c'est compris. Alors, ce qui n'était pas compris, c'était par exemple, j'enlève mon ancienne chaudière. Mm-hmm. Là, il n'y avait pas d'aide. Par contre, maintenant, j'enlève mon ancienne chaudière, j'en mets une nouvelle. Là, effectivement, même le fait d'enlever mon ancienne chaudière est touché par une TVA de 5,5%. Alors, on reviendra tout de suite après sur les aides à proprement parler qui sont offertes dans Lyon. Et puis, vous nous parlerez d'une nouveauté très intéressante pour les particuliers comme pour les artisans, parce qu'elle va peut-être être ignorée de beaucoup quand elle va démarrer, mais autant l'annoncer tout de suite. Je ne vous en dis pas plus, mais soyez attentifs. L'énergie, vous en parlez aussi? Vous avez des interventions à l'école? Alors, on fait effectivement beaucoup d'animations, des ateliers, des conférences, débats, des présences sur salon pour sensibiliser sur les aspects économie d'énergie et énergie renouvelable. Ils sont sensibles, les jeunes, à ça quand même. Oui, tout à fait. Ça permet aussi de toucher de manière indirecte et de manière efficace les parents. Ah oui, c'est important. Alors justement, on parle enfant, on parle manège, avec mon manège à moi, d'Étienne Dao. À tout de suite. France Bleu Auxerre, écoutez, on est bien ensemble. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux? Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux? On pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. La tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, Étienne Dao sur France Bleu Auxerre. Posez toutes vos questions au 03 86 52 23 23. Il est là pour répondre à toutes vos questions, notre expert info-énergie, Adrien Lecomte. Adrien Lecomte, rebonjour. Bonjour. Pour lui poser toutes vos questions, 03 86 52 23 23. Il nous éclaire ce matin en matière d'économie d'énergie, et des économies, on veut tous en faire à la sortie de l'hiver pour alléger nos factures. Mais on appréhende souvent ces travaux qui coûtent très très cher. Vous me confiez hors antenne d'ailleurs que, comme vous êtes un peu le lien entre ces aides qui sont proposées aux familles et puis entreprendre des travaux, ça passe un petit peu par vous, que votre succès était grandissant. Oui, tout à fait. Il y a eu un effort du gouvernement sur une grande campagne de communication qui a débuté fin septembre et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Nous, ça a doublé notre activité. Donc, depuis septembre, effectivement, on a double contact sur des personnes qui se renseignent sur les aides financières, et on en profite pour leur expliquer aussi la cohérence technique des travaux pour faire les bons choix. Vous rappelez votre association? Donc, son nom? L'ADIL, l'Agence départementale de l'information sur le logement. Donc, nous sommes situés à Auxerre et vous pouvez nous contacter au 03 86 72 16 16. Un site internet? Oui, adil89.org. Voilà, très bien. On parlait tout à l'heure des aides de l'État qui sont dispensées, et nombreuses, de plus en plus nombreuses, pour encourager les familles à rénover leur logement et faire des économies d'énergie, mais aussi préserver l'environnement. Ces aides existent aussi dans Lyon, parce que Lyon est un département qui fait de très beaux efforts. Vous nous en dites quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, il y a des dispositifs nationaux, mais il y a également des dispositifs locaux qui permettent d'accompagner gratuitement le particulier dans le montage des dossiers complexes, des dossiers administratifs et techniques. Donc, il y a plusieurs territoires iconés qui se sont lancés dans des opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou programmes d'intérêt général. On retrouve notamment la communauté de l'Auxerrois qui accompagne les personnes sans condition de ressources, par notamment la visite d'un technicien à domicile pour faire des préconisations de travaux et monter les dossiers. Qui établit un diagnostic du logement, diagnostic énergétique. Tout à fait, un diagnostic. D'habitude, ça coûte cher, ça d'ailleurs. Oui, alors il le fait gratuitement. Voilà, exactement. Les dossiers sont gratuits et sont gratuits pour le particulier, mais rémunérés par la collectivité locale qui a choisi un bureau d'études sous la procédure d'un appel d'offres. Il y a d'autres territoires. On retrouve notamment la communauté de communes du Sénonais et puis également le pays tonnerrois et le pays avallonnais. Donc quasiment la moitié du territoire est touchée par une opération spécifique portée par une collectivité locale. Du coup, pas de frais de dossier. Mais il y a des réflexions, notamment pour le pays de Puisaye-Forterre. A priori, d'ici 2015, il devrait y avoir la même procédure qui permettrait à tout ménage d'avoir un accompagnement gratuit. Très bien. Ces aides couvertes par ces différentes zones de Lyon, à quelle hauteur peuvent-elles couvrir les travaux d'un foyer ? Alors, les aides de la collectivité portent notamment, déjà je le disais, sur pas de frais de dossier. Donc ça, c'est intéressant dans le montage. Donc il y a un accompagnement gratuit. Et ensuite, ils procèdent à un abondement des aides existantes. Donc dans ces programmes, ce sont les aides de l'ANA. Il y a notamment une prime forfaitaire qui est d'un montant de 3 000 euros et qui, sur certaines collectivités, peut être abondée jusqu'à 1 000 euros de plus parce que la collectivité donne 500 euros. Donc l'ANA donne à nouveau 500 euros. Donc on a plus d'aide et plus de facilité. Les budgets sont réservés. Donc il y a plus de chances d'avoir une aide sur un territoire où il y a une politique de la collectivité. Très bien, c'est de belles aides quand même. On peut vraiment entreprendre des travaux à moindre coût et faire de beaux aides. Oui, j'ai un exemple sur Sens où sur 20 000 euros de travaux hors taxe, il reste à la charge d'un ménage autour de 1 000 euros. Ah oui. Donc oui, donc. Alors tout cumuler les aides de Lyon plus les aides de l'État. Bien sûr. Un plan de financement complet, mais on peut faire de très belles rénovations, même si on a des revenus modestes, parce qu'on peut cumuler des aides de l'ANA, combiner à une aide de la collectivité. Il y a un crédit d'impôt, il y a peut-être un écoprate au zéro. Il y a aussi, on ne l'a pas dit, mais des aides de certaines caisses de retraite, des aides de la CAF. Enfin, il y a vraiment l'idée, c'est de combiner l'ensemble de ces financements pour pouvoir réaliser des travaux performants. Avec un véritable impact sur nos factures. Oui, oui, tout à fait. Avec des rénovations de qualité, on peut diminuer par 4 sa consommation d'énergie. Alors pour finir, j'en parlais tout à l'heure, l'éco-conditionnalité, c'est une nouveauté qui va peut-être être ignorée au début, mais il ne faut pas l'ignorer. L'éco-conditionnalité, ça va débarquer quand à peu près ça ? Alors c'est dès demain. Alors quand je dis demain, c'est dès le 1er juillet 2014 pour l'éco-prate au zéro et dès le 1er janvier 2015 pour le crédit d'impôt. Alors cette éco-conditionnalité, elle va obliger entre guillemets les artisans à avoir un label et seuls les artisans labellisés pourront permettre aux familles de bénéficier de toutes les aides. C'est-à-dire que si on prend un artisan qui n'a pas ce label, on n'aura pas d'aide. Oui, c'est simple. Voilà, c'est une mention qui s'appelle RGE, reconnu garant de l'environnement. Aujourd'hui, les aides touchent uniquement des travaux sur des caractéristiques techniques. Dès le 1er juillet 2014 pour l'éco-prate au zéro et le crédit d'impôt pour 2015, il faut à la fois combiner des critères techniques et que l'entreprise ait bien cette mention RGE. Donc j'invite les particuliers à consulter ces annuaires qui sont déjà disponibles, mais aussi aux artisans à se rapprocher de leur syndicat, donc CAPEB FFB, pour voir quelle est la procédure en termes de formation, d'assurance, d'audit, comment on peut obtenir cette mention RGE. Pour demander le label, c'est important. Parce que effectivement, sinon, pas de RGE, plus d'aide à partir des dates qu'on a évoquées. Ils leur passeront sous le nez, comme on dit. Très bien. Adrien Lecomte, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Merci et à très bientôt sur France Bleu Auxerre. Merci à vous. À bientôt. She took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days you left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold. Children run as the sun goes down among.